Lettre 21e, Agathoclès à Phocion, du camp devant Nisibis, août 301. Un grand espace de temps s'est écoulé, cher ami, depuis la dernière lettre, où je t'apprenais que j'avais retrouvé Malarissa, avec la certitude cruelle de l'avoir perdue à jamais. Enfin que j'étais le plus malheureux des êtres. Des jours sans aucun repos succèdent à des nuits sans sommeil. Je sens en même temps et l'inutilité de ma passion et l'impossibilité de la vaincre. Chaque jour passé près d'elle augmente et mon amour et mon malheur. Phocion, pourquoi les dieux sont-ils pour moi si cruels, si inexorables? Mon cœur est-il donc coupable? Ai-je mérité les tourments que j'endure et la vengeance des Euménides? J'adore, il est vrai, la femme d'un autre homme. Mais ces dieux qu'on veut que je respecte et que j'encense, ne m'en donnent-ils pas l'exemple? Jupiter, le roi des dieux, n'a-t-il pas souvent? Mais attesterai-je, pour ma justification, ce que je ne puis croire, et des dieux que je suis prêt d'abandonner? Ce n'est pas seulement mon amour pour Larissa qui cause mon trouble, mes combats intérieurs. La religion chrétienne m'interdit jusqu'à cet espoir que la mienne autorise. Elle me sépare pour moi de la seule femme que j'ai aimée, et malgré la sévérité de sa doctrine, de ses principes, je me sens involontairement entraîné à les admirer, à les respecter. De tous côtés, je vois autour de moi des êtres dont la croyance me paraissait autrefois ridicule, que je traitais de fanatiques insensés, parce que je les jugeais d'après mes préjugés, d'après tout ce qu'on m'avait enseigné dès mon enfance. Mais depuis que je vis avec des chrétiens, j'ai changé d'opinion sur leur religion. J'ai trouvé les idées les plus grandes, les plus sublimes et les espérances les plus consolantes. Chez eux, les plus nobles efforts n'ont pour but que de plaire à un Dieu unique, souverainement saint, qui les voit, les inspire et les récompense dès cette vie. Car dans leurs principes, l'homme vraiment sage et vertueux ne peut être malheureux. Lors même qu'il immolerait à son devoir ou à son Dieu tout ce qui lui est cher et précieux ici-bas. Ne serait-ce pas là, Phocion, le résultat des systèmes de nos sages philosophes de l'Antiquité? Ils ont entrevu ces grandes vérités, mais privés de base, ils erraient à l'aventure au gré de leur imagination, sans savoir où s'arrêter. Chez eux, tout était obscurité. Chez les chrétiens, tout est clarté. Les philosophes doutaient de tout, et le chrétien croit tout avec une foi vive et une conviction entière. Même sans être de leur secte, on se sent entraîné à admirer leurs principes, à leur envier cette tranquillité, cette paix intérieure, qui émousse pour eux les traits du malheur et ne les abandonne pas même dans les circonstances les plus fâcheuses. Larissa, je n'en suis que trop sûr, ne peut être heureuse avec un époux qui n'est pas du choix de son cœur. Sévère quelquefois, même jusqu'à la dureté, il aime sa femme. Qui peut vivre avec Larissa et ne pas l'adorer? Mais il ne le lui témoigne jamais. Eh bien, Larissa ne se permet pas une plainte, pas un murmure. Elle dit qu'elle est contente de son sort. Que ce soit par ménagement pour Démétrius, ou pour ne pas m'affliger qu'elle parle ainsi, ou enfin par un motif de résignation religieuse, elle n'en est pas moins sublime à mes yeux. Mais je ne me sens pas la force de l'imiter. Accablé sous le poids de mes peines, je voudrais briser les liens de mon existence et trouver la paix du tombeau. Nous avons quitté Édesse. Quelques avantages gagnés sur l'ennemi nous ont permis d'avancer jusqu'ici. Nous sommes devant la ville de Nisibis, encore occupée par les Persans. Démétrius en a formé le siège dans la confiance d'un renfort que Galerius lui a promis. Il a ordonné à Larissa de l'accompagner. Il l'oblige à supporter tous les dangers, toute la fatigue de la vie militaire. Rarement, bien rarement, elle en est dédommagée par la tendresse, par la reconnaissance de celui à qui elle sacrifie toutes les douceurs d'une vie tranquille. Et moi, Phocion, je suis condamné à voir, à sentir tout ce qu'elle doit souffrir. Je dois me taire. Il faut même que je lise, tracé de sa main, et que j'entende de sa bouche qu'elle est contente de son sort, de ce sort si différent de celui dont elle eût joui avec moi, perdu pour elle sans retour. Non, je ne puis supporter cette pensée. Je ne puis la voir appartenir à celui qui ne sent pas la valeur du trésor qu'il possède. J'ai déjà cherché à Édesse à m'éloigner, à obtenir une autre destination qui me plaça loin du cercle dangereux, où je suis retenu comme par magie. Mais Démétrius, au lieu de me laisser partir, veut que je sois du petit nombre des intimes qui le suivent constamment, et je suis celui à qui il accorde le plus de confiance. Ainsi je vois Larissa tous les jours. Je suis continuellement le témoin de sa vertu, de ses combats, de la victoire qu'elle remporte sur elle-même, mais aussi, Phocion, je suis quelquefois de sa faiblesse. Et c'est alors, c'est au milieu du bonheur de me sentir aimé, que je me trouve mille fois plus malheureux encore. Oui, Larissa m'aime, je le vois, je le sens, à chaque instant, malgré ses efforts pour le cacher. Quelquefois, cette flamme qui la dévore perce et me consume. L'autre jour, une légère blessure à la main et l'ordre positif de Démétrius l'obligèrent à s'occuper de moi. Avec quelle tendresse elle me soignait. Ses mains tremblantes serraient la mienne pour empêcher le sang de couler, et ses larmes les inondaient. Tout était oublié. Elle voyait, elle n'aimait plus que l'amie de sa jeunesse. J'avais retrouvé ma Larissa, ma tendre amie. Oh, Phocion, et moi aussi, j'oubliais tout, tout jusqu'à la présence de Démétrius. Déjà, je la pressais contre mon cœur. J'allais jurer sur ses lèvres un amour éternel. Son regard m'arrêta. Il se tourna vers son époux, et la foudre tomba de nouveau sur moi. Je crus apprendre seulement alors l'obstacle qui nous sépara jamais. Frémissant du danger où je l'avais exposée, j'évitais pendant qu'elle me pensait ce regard que je ne puis supporter, qui porte dans tout mon être un trouble, une émotion que je ne suis plus le maître de cacher. J'ignore s'il existe un mortel assez insensible pour voir de sang-froid le regard de Larissa, même lorsqu'il n'exprime que la simple bienveillance. Mais quand c'est l'amour le plus passionné, Phocion, que tu vois une seule fois les yeux de Larissa se fixer sur Agathoclès, et tu comprendras tout ce qu'ils me font éprouver. Jamais aucune femme n'a pu m'en donner une idée, pas même cette dangereuse Calpurnie, que j'ai craint d'aimer avant d'avoir retrouvé Larissa. Combien je me trompais. Mes yeux seuls admiraient la beauté de Calpurnie. Jamais mon cœur n'a senti auprès d'elle la moindre de ces émotions que me fait éprouver un seul regard de Larissa. Elle n'est pas belle cependant à côté de la brillante Calpurnie. Peut-être, au premier moment, ne serait-elle pas regardée. Mais celui qui aura passé un jour avec elle ne voudra plus regarder qu'elle. Sa taille, moins haute, moins majestueuse que celle de Calpurnie, a une grâce, une élégance remarquable qu'elle ne doit qu'à la nature. Son teint peut animer ce color doucement à la moindre émotion. À l'exception de ses yeux, dont la coupe, l'expression, la couleur, sont vraiment uniques. Ses traits n'ont rien de frappant, mais tous sont d'accord pour peindre son âme et sa pensée. Avant qu'elle ait parlé, on devine, en la regardant, ce qu'elle va dire, et sa physionomie est le miroir de chaque impression qu'elle éprouve. Ainsi, la bonté, la sensibilité en sont l'expression habituelle, et lorsqu'un sentiment plus exalté se joint à cette expression, se peint dans ce regard vraiment céleste, quel mortel pourrait y résister ? J'ose avancer que s'il en existe un, le prix de la vertu n'est pas pour lui. Il est à coup sûr dénué de toute sensibilité. 8 jours plus tard. Il y a longtemps que je n'ai reçu de tes nouvelles. Peut-être qu'en temps de guerre les lettres se perdent aisément. Nous sommes encore devant Nisibis, mais pas pour longtemps. La ville est cernée de tous côtés. Depuis quelques semaines, Démétrius attend chaque jour inutilement le renfort que César Galerius lui avait promis. Il ne peut plus résister à l'impatience, au murmure, au désir du soldat d'enlever la place d'assaut. Il est d'ailleurs urgent que cette affaire se décide. La chaleur et les maladies commencent à se faire sentir dans notre camp. Si le renfort n'arrive pas bientôt, si l'assaut n'a pas lieu, nous serons forcés de nous retirer, d'abandonner honteusement une entreprise commencée avec courage, et d'une grande influence pour l'issue de cette guerre. Si Nisibis n'est pas à nous, j'avoue que j'espère peu de cette campagne. Il est d'ailleurs positif que l'ancienne inimitié entre Galerius et notre général est plus que suffisante pour faire manquer l'entreprise du siège de Nisibis, que Démétrius a formé sans y réfléchir assez, et dont il pourrait bien être la victime. Galerius sacrifiera tout pour perdre l'homme qu'il déteste. Démétrius est l'objet de la haine invétérée de Galerius pour les chrétiens. Toujours fidèle à sa religion et cherchant à la répandre autant qu'il le peut, Galerius poursuit partout ses sectaires. Il voudrait les anéantir. Et sans la politique de Dioclétien qui les protège, je ne doute pas que nous ne vissions bientôt une persécution généralement établie contre eux, et leur sang coulait par torrents. J'en frémis, car je ne puis m'empêcher de les aimer. Mais Larissa n'est-elle pas une chrétienne ? 2 jours plus tard, ce que nous devions craindre depuis longtemps, et que nous n'osions nous avouer, est devenu une certitude. Galerius ne nous envoie aucun renfort. Il a l'esprit assez vil pour sacrifier à ses passions, à sa vengeance l'armée et le sort de la guerre. Nous sommes abandonnés. Mais Démétrius trouve dans sa fermeté, dans celle de ses troupes, des forces suffisantes pour arriver au but que la haine voulait l'empêcher d'atteindre. Demain, l'assaut commence. Les béliers, les catapultes, les échelles, enfin tout ce qui est nécessaire pour cette expédition dangereuse est prêt. L'armée est de la meilleure volonté. Un express que j'expédie te remettra cette lettre et le rouleau s'y inclus qui contient mes dernières dispositions sur ma fortune. Qui sait si jamais nous nous reverrons? J'ai devant moi une journée imposante. Mon dévouement, mes supplications ont enfin obtenu de Démétrius de me placer au poste le plus dangereux. Cette confiance m'honore, et ce danger me promet ou une réputation brillante, ou, ce que je préfère 1000 fois, le seul remède à mes maux. J'attends donc tranquillement le jour de demain. Il est minuit, tout est calme. Un être charmant, j'ose le croire, veille en même temps que moi et prie pour la conservation de mes jours. Oh Larissa, lorsque demain tu apprendras peut-être que ton ami n'existe plus, tes combats pénibles feront place à la sensibilité. Tu oseras verser quelques larmes pour l'ami de ton enfance. Console mon père, Phocion. Si son fils unique est frappé, il retrouvera un instant toute sa tendresse paternelle. Alors quitte Athènes et reviens à Nicomédie. Mon testament renferme mes intentions à cet égard. Ton esprit doux et tranquille, ton dévouement, le dédommageront de la perte de ses 3 fils morts à la fleur de leur âge, et il oubliera bientôt celui qu'il a le moins aimé. Ainsi, Phocion, tous ceux qui me furent chers gagneront à ma mort et personne n'en souffrira. Le temps sèche toutes les larmes. Adieu, Phocion. Je sens dans mon cœur que nous nous reverrons. De quelle manière, sous quelle forme, je l'ignore encore, mais demain, peut-être, un dard, un cimetière me donnera l'heureuse faculté de le savoir avant toi et d'aller t'attendre dans un meilleur monde.